table. Ça riait, discutait pendant qu'on nous servait. Mais après, après la vie t'a bouffé comme elle bouffe tout le monde. Aujourd'hui ou plus tard, et moi j'ai suivi. Depuis le temps qu'on rêvait de quitter les vieux meubles, depuis le temps qu'on rêvait de se retrouver, tout fait seul, t'as oublié Chopin. Moi j'ai fait de mon mieux, aujourd'hui tu bois du vin, mais ça fait plus sérieux. Tu perds pas un coup de vieux, et tout ça fait des vieux. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi. Sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malais, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles le dimanche autour de la table, serviait, discutait pendant que maman nous servait. Mais après, après ce fut la fête, la plus belle des fêtes, la fête des amants, le dur accord printemps, puis l'automne revint, cet automne de la vie. As-tu perdu l'arlequin, tu vois qu'on t'a monté écrouler les châteaux, as-tu l'eau claire de lune, après tout faut ce qu'il faut pour s'en tailler une vie de bon vivant, une vie sans argument. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons aujourd'hui dispersés aux quatre vents. On n'était pas des poètes, ni curés, ni malais, mais papa nous aimait bien. Tu te rappelles dimanche, autour de la table, ça riait, discutait pendant que maman. Et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux, loin de la ville, uniquement nous deux, et des milliers de chevaux sauvages feront un cercle pour nous isoler. N'entends-tu pas toutes les guitares? Criant de joie dans la chevauchée, sur un cheval blanc, je t'emmènerai. Défiant le soleil et l'immensité, dans des marais inconnus des dieux. Ce n'est que rêve. Pourquoi faut-il que ce ne soit que rêve? Mais l'hymne à l'amour, je l'entends déjà. J'entends déjà son alléluia, alléluia. Clair de lune, combien de saisons mortes il m'a fallu pour oublier mon amour. Si tu savais salut pour oublier. Combien longue est cette route qui mène presque à l'oubli. Mon amour, qu'il est lourd, ce silence de l'absence. Mon amour, si tu savais combien de clairs de lune, combien de saisons il m'a fallu oublier. Combien de nuits profondes, combien d'hivers sans fin, il m'a fallu pour... Ça n'amène pas ici. C'est curieux. Parfois. Il tombe à crise. Tous mes espoirs gisent gelés.

Bonne épreuve.